soir une vieille limousine. Des garçons de chewing-gum qui ressemblent à Newman à Redford. Les appels baby baby loo. Et ils les conduisent comme des fous. Première note de Love Me Tender. Tu me sers.